Tout s'agite dans la ville, la nouvelle est annoncée, le peuple est préparé à voir un homme crucifié, pourtant il n'a rien fait. Juste semer la paix, traverser des terres, juste dit la vérité, pour cela il a été puni, pour cela il a été trahi. Le crachat et le mépris, c'est ce qu'il a subi, avoir le pire des châtiments, être mis au rang des brigands. Lui innocent, condamné injustement, comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il s'est tué. Il n'a rien dit, il a reçu la couronne d'épines au lieu de la couronne d'or, au lieu que le peuple adore. Il a été châtié, mis à mort. Jésus a été renié par son fidèle allié, abandonné des hommes. Il savait ce qui allait se passer, il a porté la croix jusqu'au sommet de Golgotha. Et sans pitié, on l'a crucifié. C'est que le prix il a payé, que sa vie il a donné. Béni soit le Messie, il est venu tout accomplir. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il a effacé tes péchés. Ta sale vie balayée, iniquité oubliée. Toi qui dis que ta vie est irréparable, tu restes seul dans ton coin et tu dis que t'es minable. Toi qui te sens coupable et que tes problèmes t'accapent, ça peut te paraître incroyable, mais l'amour de Dieu est véritable. Tout bonheur est assuré, jaillissent en toi des flots de paix. Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité, il est ressuscité. C'est que le prix il a payé, que sa vie il a donné. Béni soit le Messie, il est venu tout accomplir. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il a effacé tes péchés. Jésus n'est plus au tombeau, il est ressuscité.